Chapitre 4e. Pendant 5 ans environ, Madame de la Guette n'eut d'autre occupation que celle d'une épouse fidèle et d'une tendre mère de famille. Son mari, sa maison et ses enfants remplirent assez sa vie pour tenir en bride son génie. On le comprendra lorsque nous dirons qu'elle donna le jour, dans un court espace de temps, à 2 garçons et 4 filles, ce qui n'est pas une petite affaire. Elle négligeait ses exercices favoris. Elle perdait l'habitude et le maniement des armes, et les bonnes gens de la vallée auraient oublié la pucelle de Grosbois, si elle n'eût encore porté les bottines et enfourché quelquefois son cheval comme un franc courrier, quand elle alla dîner à Mandre ou chez M. Dallet. Le ciel s'indigne de voir les grandes âmes dans l'oisiveté. Il sut également arracher à la mollesse Achille et Madame de la Guette, qui n'étaient point nées pour végéter au milieu des soins domestiques. La France possédait alors un héros dont la renommée portait le nom à tous les bouts du monde. Le prince de Condé venait de gagner ses premières batailles. Un jour, en revenant de Nordlingen, le front chargé de ses jeunes lauriers, il s'arrêta au bourg de Suilly avec sa suite. Il logea ses gens et ses officiers dans le village et demanda l'hospitalité pour lui et le comte de Marsin à M. de la Guette, qu'il connaissait. Jacqueline n'entendait jamais sans émotion le nom de Condé. L'arrivée de ce prince dans sa maison était le plus grand honneur que le ciel pût lui accorder. Elle mit tout en œuvre pour recevoir dignement un hôte aussi illustre et s'y prit de si bonne grâce qu'il demeura chez elle 2 jours au lieu d'un. On chassa le daim. Madame de la Guette courut elle-même, conduisit les meutes et galopa dans les bois en piqueur et en cavalier consommé. Monsieur le prince, ravi de son intrépidité, lui disait qu'il la voudrait avoir pour aide de camp ou pour cornette un jour de combat. « Ne riez pas, monseigneur, répondit-elle, je serai capable de vous rejoindre un matin sur quelque champ de bataille comme volontaire. « Faites-le, je vous en prie, dit son Altesse. Je vous mettrai au poste d'honneur, et nous brûlerons ensemble la moustache à l'ennemi. » Tout en plaisantant de la sorte, le feu de la guerre montait aux joues de Jacqueline et s'échappait de ses yeux noirs en flammes si vives que le prince en était ébloui. Monsieur de Marsin surtout conçut tant d'estime pour sa belle hôtesse qu'il était désolé lorsqu'il fallut partir. « Madame, dit-il en montant à cheval, « votre mari est trop brave gentilhomme et vous une trop honnête personne pour qu'on songe à être amoureux de vous. Sans cela, je vous assure que je remuerai le monde entier pour vous plaire. Mais choisissez-moi une femme et je l'épouserai de votre main les yeux fermés. Fût-ce une gardeuse de moutons. » « Je vous chercherai cela, répondit-elle. En effet, à quelque temps de là, Madame de la Guette maria le comte de Marsin avec Mademoiselle de Clermont-d'Entragues. Quand Monsieur le prince et ses amis eurent quitté Suilly, la châtelaine resta pensive et agitée, nourrissant au fond de son âme un ardent désir d'acquérir de la gloire, comme l'aurait pu faire le garçon le plus ambitieux. Elle en perdit le sommeil durant 3 mois entiers et répétait sans cesse le nom du grand Condé. Son mari se moquait d'elle. Lorsqu'il lui vit dans les mains le traité de la guerre et qu'il la trouva penchée sur des cartes, suivant point à point les campagnes de Du Guesclin et de Bayard, il tâcha de lui calmer la cervelle et de la ramener à ses enfants et à son ménage. Mais il était trop tard, le coup avait porté. Les brouilleries du Parlement et de la Cour remuaient alors les esprits. Les premières séditions de la Fronde eurent un retentissement prodigieux dans les provinces, et on comprit que les troubles n'étaient pas près de finir. Tous les grands noms de France prenaient parti d'un côté ou de l'autre. Monsieur de la Guette sentit qu'il ne pouvait demeurer oisif au milieu de tant d'agitations. Il s'attacha tout de suite à Monsieur le prince et courut à Saint-Maur lui offrir ses services. Jacqueline resta et promit de bien garder sa famille, qui était nombreuse et en bas âge, mais dans son cœur elle enrageait de ne pas être homme. On sait que la fronderie commença par être dans les mains du duc de Beaufort et du coadjuteur de Ray, et que le duc d'Orléans et le prince de Condé vinrent après. Les rebelles tenaient la ville et les gens du roi la campagne. Les pillards de l'armée se répandaient de tous côtés. Ils en venaient souvent dans les plaines qui s'étendaient de Grosbois à Lagny. Un matin, les cloches sonnèrent l'alarme au village de Mandre. On y avait brûlé une maison, dévalisé des paysans et forcé des femmes. Une troupe de ces malheureux se réfugia chez M. Dallet, et une autre vint chercher un asile à Suilly. Jacqueline assembla ses valets et les rangea en bataille devant sa maison. Elle n'avait que 10 hommes déterminés à vendre chèrement leur vie. La bande des pillards arriva bientôt. Ils étaient 30, la plupart ivres et furieux, mais en désordre. Sans entrer en pourparlers, Madame de la Guette les chargea si impétueusement qu'ils se dispersèrent. Elle en tua 2 à coups de pistolet et désarma le cornette qui les commandait. Pendant la première moitié de la fronderie, elle eut ainsi plusieurs occasions de se battre contre les gens de l'un et l'autre parti. Ces exploits n'étaient pas d'une grande importance, mais ils éveillèrent tout à fait la passion guerrière de Jacqueline et servirent de prélude à d'autres plus sérieux. Elle fit comme ces petits lions qu'on apprivoise aisément quand ils sont jeunes et qui retombent dans leur férocité naturelle une fois qu'ils ont goûté du carnage. Un beau jour, Madame de la Guette, ne pouvant plus tenir au logis, conduisit ses enfants à Grosbois. Elle pria M. Dallet d'en avoir soin, puis elle se mit en campagne avec 2 de ses gens bien montés et équipés en guerre. N'étant pas de force à porter le casque, elle mit le chapeau à large bord avec les rayons de fer qui était la coiffure des cavaliers d'ordonnance. Elle porta sa jupe retroussée, ne voulant pas dissimuler son sexe. Mais elle prit le haut-chausse d'homme, les grands gants, les bottes de roussi, le baudrier large et l'épée de combat. Elle avait 3 plumes vertes au chapeau et l'écharpe de même couleur. Dans cet équipage, elle traversa le pays un dimanche, après avoir entendu la messe dévotement. Les bonnes gens lui souhaitèrent une heureuse campagne, et elle s'enfonça dans la plaine, aussi avide de gloire et d'aventure qu'un preux de l'ancienne chevalerie. Il ne faut pas croire que Madame de la Guette eut le cerveau dérangé, comme le fameux héros de Michel Cervantes. Elle ne songeait pas à dompter des monstres, à détruire des armées entières, ou à incendier des flottes à elle seule. Elle ne s'attendait pas à dîner tous les jours dans ses palais de cristal, qui se trouvent à point nommé sur les pas des chevaliers, au centre d'une forêt ou bien au fond d'un lac, et dont un vieillard à barbe blanche ou une princesse victime d'un enchantement font délicieusement les honneurs. Jacqueline avait toute sa raison. Son plan était de rentrer dans Paris, afin de rejoindre Monsieur le Prince et de courir les mêmes chances que son mari. Mais, comme elle était bonne française, elle pensa, chemin faisant, qu'il serait louable d'employer le pouvoir de son éloquence et de sa beauté à ramener les chefs des rebelles dans le devoir. Elle se persuada que la chose serait facile et que son pays lui devrait la conclusion de la guerre civile qui le déchirait. Tandis qu'elle berçait dans son imagination cet honnête projet, notre Amazone aperçut devant elle, sur la route de Brie, l'arrière-garde du duc de Lorraine. Elle demanda aussitôt à parler à quelque officier. On la conduisit devant un major du régiment. Ce major était un homme galant et civil. « Ma belle dame, lui dit-il, si vous venez pour vous battre ou pour jouir seulement du spectacle de la guerre, vous arrivez à propos. Car nous tenons en flanc les gens du roi. Le combat va leur être funeste. Il n'en échappera pas un, et nous comptons que M. de Turenne lui-même sera prisonnier. » En effet, l'armée royale, pressée entre la rivière et l'avant-garde, ayant contre elle des forces doubles des siennes, se trouvait en danger de périr. Cependant, au nom de Turenne, Jacqueline éprouva la même émotion qu'elle avait ressentie à celui du prince de Condé. Celui-là était aussi un héros, et de plus, il servait la cause la meilleure. Madame de la Guette fut saisie de compassion à l'idée que ce grand capitaine allait peut-être succomber sous les coups de ces Lorrains, dont le jargon allemand lui fit horreur. Les sentiments de son sexe lui revinrent pour un instant. Elle résolut de sauver M. de Turenne par un stratagème féminin, en demandant tout bas pardon à Dieu d'employer la ruse et le mensonge. Jacqueline était montée sur un four à chaud d'où l'on pouvait les voir au loin. Elle aperçut les enseignes de l'armée du roi et son cœur en fut remué. « Courez, dit-elle au major, avertir le duc de Lorraine de ma venue. Je lui apporte un avis d'importance. Qu'il m'envoie ici au plus vite une personne sûre à qui je communiquerai ce que je sais. Le sort de cette journée en dépend. » Au bout d'un moment arriva M. de Fauges, aide-de-camp du duc. « Votre armée, dit Jacqueline avec cet air de vérité que les femmes savent si bien jouer, n'est pas aussi en sûreté ici que vous pourriez le croire. Vous êtes étranger et ne connaissez pas le pays. Monsieur de Turenne est trop habile homme pour se mettre en mauvaise position, si ce n'est afin de vous tendre un piège. Je viens de Grosbois, où il y a de l'infanterie royale cachée dans la forêt. Faites de ceci l'usage que vous voudrez. Madame, répondit l'officier, il faut me suivre, s'il vous plaît, auprès de son Altesse. Elle décidera si on doit tenir compte de votre avis. Jacqueline vit bien que son stratagème pouvait l'entraîner fort loin. Mais une fois embarquée, elle ne voulut pas reculer. Elle répéta devant le duc ce qu'elle venait d'avancer. On se méfiait de sa bonne foi. Cependant, tout en hésitant, on ne sonna pas l'attaque, et en moins de 3 heures que dura l'indécision, M. de Turenne passa la rivière et fut sauvé. Notre héroïne demeura cette nuit-là au camp et se coucha sur la paille dans une grange en vrai militaire. Le lendemain, elle obtint la permission de parcourir les lignes de l'armée de Lorraine avec un officier qui la conduisait. Elle remarqua des gens qui épiaient ses regards et ses mouvements, et comprit qu'elle était surveillée. Sans rien perdre de son assurance, elle s'approcha jusqu'aux frontières du camp qui touchait au pont de Charenton. Là, elle fit un signe à ses domestiques, et s'adressant ensuite à son guide, elle lui dit « Vous n'avez pas besoin de passer outre, monsieur. Je m'en irai toute seule à Paris. » « Ne faites point cela, madame, » dit l'officier. « Je serai obligé de commander à mes gens de tirer sur vous. »« Eh bien, tirez sur moi. »« J'ai servi mon roi et mon pays. Dieu me protégera. » Jacqueline traversa le pont avec la vitesse de l'éclair. Elle touchait terre de l'autre côté lorsqu'on fit une décharge de mousqueterie contre elle. Mais elle n'eut qu'un de ses valets blessé légèrement. Une heure après, elle était dans Paris.